va plus se prendre la tête, n'a plus à justifier, alors c'est radicalisé. En permanence, incompris, il n'écoute plus ses colis. Tout seul avec ses opinions, ils sont dans la dépression. Il n'attend plus rien du monde, il voudrait tout faire exploser. Tout va, c'est comme une bombe. Mais qu'est-ce qu'il se sent ridicule lorsqu'il crie tout au champ cul, alors qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout de ses pensées. Je vous emmerde.